Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Et nous nous quittions hier sur cette idée rassurante selon laquelle deux kamikazes infectés par un virus de la variole pourraient relancer une épidémie mondiale. Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui qui reprend sur l'idée qu'il existe des cancers contagieux, et oui, chez certaines espèces animales, mais aussi chez l'être humain. Bienvenue dans l'émission où il sera également question de se faire broyer des membres par la pression insensée de la mâchoire d'un crocodile dont on a mesuré justement la force, et de l'impossible également démantèlement des sous-marins nucléaires français. Bref, un programme réjouissant vous attend en ce premier vendredi de l'automne. Cancer contagieux, morsure du crocodile et démantèlement des sous-marins, ce sont quelques-uns des joyeux problèmes qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce réjouissant programme pendant une heure complète qui s'annonce très très très longue aujourd'hui, nos Cassandres scientifiques du jour sont Cécile Lestienne, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, Tania Louis, bonjour. Bonjour. De la chaîne YouTube Biologie Tout Compris, et Olivier Lascar, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Mais avant de plonger dans ce panorama scientifico-anxiogène, elle est celle qui fait briller la lumière de l'espoir et de l'optimisme sur l'actualité scientifique de la semaine, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et on commence ce journal avec l'annonce mardi du budget 2019 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, sanctuariser le budget de la recherche. Pour 2019, c'est un budget à la hausse par rapport à l'an dernier. C'est environ 550 millions d'euros supplémentaires. C'est d'ailleurs l'un des rares ministères à voir son budget revu à la hausse. On ne connaît pas encore les répartitions dans le détail, mais dans les grandes lignes, le gouvernement a expliqué que 376 millions iront à la recherche, l'autre part ira à l'enseignement supérieur, environ 50 millions d'euros iront au laboratoire et 30 millions iront à l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche. Alors pour se donner un ordre de grandeur, 30 millions c'est à peu près le budget actuel du fonctionnement de l'ANR, il est donc doublé. David Larousserie est journaliste scientifique au journal Le Monde, pour lui toute augmentation est bonne à prendre, oui mais... Ces augmentations, évidemment, sont par définition positives, mais beaucoup de rapports ont rappelé que les efforts que devrait faire une nation comme la France pour maintenir son effort, voire pour l'augmenter, voire pour se comparer à des pays voisins, cet effort devrait être beaucoup plus considérable. Et si l'on voit, par exemple, par rapport à l'Allemagne, les dépenses de recherche et développement public et privé confondus, sont vraiment très différentes. L'Allemagne dépense plus de 90 milliards d'euros par an, alors que la France est à 50 milliards. La France a décidé de continuer dans les discours à dire que c'était prioritaire, mais ça ne se matérialise pas réellement, quoi. Et en fait, même de la gauche à la droite, tout le monde a constaté que oui, on était bien en dessous de ce qu'il faudrait pour réaliser les objectifs, ou même ne serait-ce qu'assurer un rythme normal à la recherche. Voilà, pour rappel, les objectifs dont parle David Larousserie, c'est notamment l'objectif de porter à 1% du PIB la part de budget public dans le domaine de la recherche, Natacha. Le budget global de la recherche, en effet, il faut le restituer par rapport au PIB. Sur l'ensemble du budget en France, la recherche représente 0,79%. Donc malgré l'effort, on n'attend pas le 1% des objectifs annoncés, des moyens insuffisants donc. Patrick Montfort est directeur de recherche au CNRS et secrétaire général du SNCS, le syndicat national des chercheurs scientifiques. Selon lui, il s'agit d'une augmentation en trompe-l'œil. Cette augmentation représente à peine 1,8%, qui est la croissance prévue en 2019. Donc en fin de compte, ce n'est pas une vraie augmentation, on ne fait que suivre l'augmentation des prix en fin de compte, et donc c'est pour cela que nous disons que nous stagnons. C'est-à-dire que le budget aujourd'hui va compenser à peine l'augmentation de ce qui est prévu en croissance. Puisqu'en fin de compte, on ne compense à peine que l'augmentation générale des coûts de la vie. Et si on investissait 1 milliard de plus d'euros tous les ans, au bout de 10 ans seulement, on atteindrait le fameux 1%. Avec un tel budget, mais on continue à réduire les effectifs. Donc par exemple, le CNRS va continuer à perdre de l'emploi, va continuer à perdre des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens de haut niveau. Et donc on rappelle quand même que depuis ces 10 dernières années, on a perdu un peu plus de 1500 postes. Et là, on va continuer à perdre de l'emploi, puisque le CNRS annonce lui-même qu'il va recruter moins que les années précédentes. Donc aujourd'hui, nous, en prospective, on s'aperçoit qu'on va passer un CNRS à 8000 chercheurs en 2050. On va dire, oh, ben 2050, c'est loin. Non, c'est demain, c'est quand même une génération de chercheurs. Et alors qu'aujourd'hui, on est à peu près à 11100 chercheurs. Voilà, on reparle dans un instant, hein, on fait un tour de table sur cette augmentation du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Puisqu'on parlait du CNRS, la médaille d'or justement du CNRS a été décernée hier, Natacha, à la philosophe et philologue Barbara Cassin. C'est la plus haute distinction scientifique en France depuis 1954, hein, c'est la quatrième femme à la recevoir. Barbara Cassin est membre de l'Académie française et directrice de recherche au CNRS. Penser en langue et dans le pluriel des langues, c'est l'axe majeur de ses recherches depuis 30 ans. Elle est l'auteur du vocabulaire européen des philosophies, sous-titré par Dictionnaire des intraduisibles. Et mardi, depuis la Guyane, c'était le 100e lancement de la fusée Ariane 5. C'est le centième en 22 ans, avec seulement 4 échecs à son actif. Elle a mis en orbite plus de 200 satellites et le lanceur de l'Agence spatiale européenne a annoncé préparer une nouvelle fusée, moins coûteuse, Ariane 6, d'ici 2020. C'est pour redevenir plus concurrentiel face aux lanceurs privés, comme celui d'Elon Musk, SpaceX. Et des nouvelles d'Opportunity, le petit rover sur Mars qui n'avait plus donné de signe de vie depuis le mois de janvier, de juin. Pardon. Oui, depuis juin, OPI, hein, comme on l'appelle, la NASA explore Mars. Et il l'explore depuis 2004, presque 14 ans d'exploration, jusqu'à ce qu'en juin, une tempête de sable l'empêche de recharger ses batteries solaires. La NASA vient de l'identifier par image satellite, mais impossible de renouer le contact. Si OPI ne sort pas de son silence à la mi-octobre, sa mission sera considérée comme achevée. Elle devait à l'origine ne durer que 90 jours. Deuxième sujet, le REMERA, c'est le registre qui recense les malformations en Rhône-Alpes, a lancé une alerte cette semaine après avoir recensé un nombre anormal de naissances de bébés sans bras ou sans mains. Oui, c'est entre 2009 et 2014, dans l'Ain, dans un rayon de 17 km, 7 enfants sont nés sans bras ou sans mains. On s'est rendu compte que ce n'était pas un fait isolé. Deux autres foyers se sont déclarés. La CIR des Pays de la Loire, la cellule interrégionale d'épidémiologie a recensé 3 autres cas sur une période de 18 mois. Des médecins de Bretagne ont également alerté les autorités sanitaires. Alors selon les statistiques, il y a un peu moins de 2 enfants pour 10 000 naissances qui naissent avec cette anomalie-là. Donc là, c'est 58 fois plus élevé que la normale. Et selon les premières investigations, sur toutes ces mères, il n'y a pas d'anomalie génétique. Pas de prise de médicaments ni de drogue. Le seul facteur commun entre elles est de vivre en zone rurale. Aucune étude approfondie n'est menée pour le moment, donc pas de conclusion hâtive, selon Emmanuelle Amar, épidémiologiste et directrice du REMERA. Le plus inquiétant, c'était que la probabilité qu'on ait 2 clusters, ces agrégats comme ça, localisés dans le temps et dans l'espace, de 7 malformations très spécifiques, c'est rarissime. Dans l'histoire des malformations et des catastrophes sanitaires, les anomalies réductionnelles de membres, elles ont été considérées comme un marqueur de tératogénèse environnementale. On a réuni un conseil scientifique au registre. Dans ce conseil scientifique, on avait des embryologistes, des généticiens, obstétriciens, échographistes, vétérinaires, parce qu'on a aussi dans notre cluster agrégat des naissances de veaux qui étaient nés donc sans côte et sans queue. Ce qui est assez surprenant, dont on pouvait penser que le mécanisme sous-jacent à ces anomalies pouvait être le même que celui qui avait généré ces agénésies de membres. Ensuite, on va passer à la question de la plausibilité biologique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'environnement qui pourrait le faire ? Une fois qu'on a posé les hypothèses, il faut après mettre en place une étude. Et ça, c'est la limite de l'épidémiologie, c'est-à-dire que association ne veut pas dire causalité. Voilà, et on attend évidemment plus d'études pour comprendre les origines de ces naissances anormales. En bref, cette semaine, des paraplégiques ont réussi à remarcher grâce à un implant dans la colonne vertébrale. Mais c'est un énorme progrès que l'on doit à deux équipes américaines, l'équipe de la Mayo Clinic dans le Minnesota et celle de l'Université de Louisville dans le Kentucky. Donc le miracle tient grâce à cet implant qui stimule grâce au moyen de 16 électrodes la moelle épinière. La moelle épinière des patients était endommagée au milieu du dos, endommagée mais pas sectionnée. Le système nerveux a pu reprendre le contrôle des jambes. Sur un an, ils ont parcouru une centaine de mètres avec pour seul appui leurs bras et un déambulateur. Ça, c'est une première mondiale. Les scientifiques reconnaissent que le mécanisme précis qui a rendu cela possible reste inconnu. Alors, les résultats sont limités, mais ils sont très encourageants. Des fonctions qu'on pensait définitivement perdues pourraient être remises en marche grâce aux technologies nouvelles. Et puis, il y a un lien entre la pollution de l'air et la maladie d'Alzheimer. C'est ce que montre une étude anglaise réalisée sur 130 000 londoniens. Leurs expositions annuelles aux particules fines et au dioxyde de carbone ont été mesurées pendant 8 ans. Et alors, sur ces participants, un tiers de ceux qui vivaient sous un seuil élevé de pollution atmosphérique a développé la maladie d'Alzheimer. Alors, les nanoparticules entrent dans le cerveau par le bulbe olfactif et détruisent les cellules nerveuses, ce qui pourrait expliquer pourquoi la perte d'odorat est l'un des premiers symptômes de la maladie. Cette étude de l'université de Saint-Georges prouve donc que les nanoparticules peuvent aussi déclencher des dégénérescences mentales. En un mot de la biodiversité, mais une bonne nouvelle, d'habitude on annonce la disparition d'espèces, là ça va dans le sens inverse, Natacha. Oui, c'est une bonne nouvelle, le Népal a doublé sa population de tigres sauvages. Le pays en a recensé 235. En 2009, il n'était que 121. Depuis quelques années, le Népal mène une politique de défense des espèces en voie d'extinction. Le pays a notamment augmenté ses zones d'espace protégées et durci les sanctions contre le braconnage. On compte sur la planète environ 3000 tigres du Bengale à l'état sauvage, donc 235, ce n'est pas rien. Les efforts pour la conservation animale, ça marche. Et comme chaque semaine, on termine par notre rubrique de science improbable. Et aujourd'hui, on met des poulpes sous extasie. Alors c'est une expérience menée par deux neuroscientifiques américains pour une étude sur l'évolution du comportement social. L'animal est réputé pour être frustre, solitaire et agressif. L'extasie, ou MDMA, provoque, elle, une euphorie, une exacerbation de la sensualité, selon l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Elle stimule la production de dopamine et de sérotonine, les neurotransmetteurs du plaisir et du bonheur. Alors après en avoir absorbé par les branchies, les céphalopodes se sont montrés très affectueux. Ils cherchaient à faire des câlins à leurs congénères et, je cite, « ils exposaient des parties de leur corps qu'ils ne présentent généralement jamais à un autre poulpe ». Les ventouses, les orifices buccales, oui, tout. Voilà. 500 millions d'années d'évolution nous séparent et pourtant les effets de l'extasie sont les mêmes. Alors pourquoi droguer des poulpes? Alors, pourquoi? C'est justement pour prouver que la sérotonine existe depuis très longtemps et qu'elle s'est maintenue au cours de l'évolution. L'étude a aussi confirmé les similitudes moléculaires entre le cerveau de la pieuvre et celui de l'homme. Et autre point, l'émotion et l'empathie ne sont pas que des qualités humaines, ce sont des caractéristiques propres au cerveau. Alors, les scientifiques ont quand même précisé qu'après l'expérience, les poulpes cobayes n'ont pas manifesté de signes de stress en particulier. Voilà, ne faites pas ça à la maison, hein, pas d'expérience avec des enfants en bas âge ou vos animaux de compagnie, c'est illégal. Merci beaucoup, Natacha. Une réaction, non pas aux poulpes sous extasie, enfin quoi que si vous voulez parler de poulpes sous extasie, je vous laisse totalement libre. Peut-être dans un mot plus sérieusement sur ce budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, Olivier. Alors du côté de la rue Descartes du ministère, on se félicite effectivement de ce budget et on fait valoir l'augmentation sur 2 ans. Ils aiment bien regarder depuis le début du quinquennat puisqu'ils font valoir que l'augmentation est de 5,3%. Et donc plaident sur le fait que ça démontre l'intérêt de ce gouvernement pour la recherche et l'enseignement supérieur. Après, quand on regarde sur un an, on est en dessous effectivement du milliard d'euros dont les experts de l'enseignement supérieur estiment qu'il est nécessaire aujourd'hui à un bon fonctionnement de nos étudiants, de la vie de nos étudiants. Cécile? C'est vrai, je pense, je suis d'accord avec David Larousserie qui disait que voilà, toute augmentation est bonne à prendre, on va quand même pas pleurer parce qu'il y a une augmentation. Maintenant, c'est probablement très insuffisant, mais quand même, c'est le gouvernement d'avant n'a pas fait mieux, celui d'avant n'a pas fait mieux. Enfin, on a quand même toujours l'impression que derrière les discours que la recherche est importante pour l'innovation, donc voilà, pour la France en soi, bon, ça reste au niveau du discours. Donc, et ce n'est pas que je Bon, on ne peut pas non plus soupçonner tous les hommes politiques d'être des villes menteurs, mais peut-être qu'il n'y a justement pas assez de chercheurs. Je ne parle pas rue Descartes, évidemment, il y a des chercheurs au ministère de la Recherche. Mais dans le siège de la ministre, est une ancienne absolument chercheuse. Mais au Parlement, effectivement, on a Cédric Villani, c'est très bien, mais peut-être qu'il en faudrait un peu plus. Peut-être qu'il faudrait aussi d'autres chercheurs un peu plus hauts, proches du gouvernement. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, et donc je suis pas sûre que leur voix ait la force suffisante pour faire augmenter ces budgets. On évoquait, Natacha évoquait la semaine dernière ici, le fait que l'ENA ouvre son concours d'entrée aux doctorants. Oui. Il y a quatre, pas beaucoup, mais enfin c'est peut-être nouvelle. C'est peut-être un point de départ, non, parce qu'on en a beaucoup parlé ici, de la sous-représentation des doctorants dans les hautes sphères, et notamment dans les sphères politiques. Mm-hmm. Tania, un mot sur le budget de l'enseignement et de la recherche? Oui, ce que je trouve intéressant au-delà de l'augmentation, c'est de regarder la répartition. Ça nous avait déjà un peu frappé quand on avait regardé les prévisions d'ouverture de postes, de constater que le seul endroit où il y avait des vraies créations nettes, c'était l'ANR. L'Agence nationale de la recherche, oui. Oui, vous y aviez consacré une émission, mm-hmm. Donc qui est quand même une structure qui concrètement pallie le manque de financement récurrent des laboratoires en distribuant des financements sur projet. Et je trouve ça un peu inquiétant que ce qu'on finance le mieux, ce soit ça, plutôt que le fonctionnement de base des laboratoires. On aura l'occasion de revenir plus en longueur sur ces questions de financement de la recherche, qui est un sujet qu'on suit de près dans la méthode scientifique, souvent dans les émissions du jeudi. D'autres mots aujourd'hui, peut-être sur oui, Cécile. Pour Barbara Cassin, bon, je ne veux pas dire grand-chose, mais effectivement, non seulement c'est une femme, ce qui est la bien, je crois que c'est la quatrième, voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui représente les sciences humaines. Alors, je n'ai pas regardé, je ne suis pas remontée jusqu'à 1954, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de médailles d'or décernées à des aux sciences humaines. Donc voilà, je trouve que c'est un beau symbole aussi. Olivier? Les sciences humaines, les sciences sous plein, comme on dit, qui sont primées, c'est effectivement une belle nouvelle. Je repensais un peu à Ariane aussi, puisque Natacha a parlé du centième décollage. Il y a un élément qui est peut-être positif aussi dans la présentation qui est faite du budget de la recherche, c'est qu'ils mettent en avant aussi l'augmentation qui est donnée pour les grandes infrastructures de recherche scientifique comme ITER, comme les développements du LHC, mais aussi le financement qui est mis, l'effort, disent-ils, qui est mis sur le spatial, notamment pour assurer le développement d'Ariane 6, qui va être ce lanceur plus souple qui va remplacer Ariane 5 à plutôt brève échéance. Mais 2020, hein, c'est prévu. C'est 2020, oui. Il y a toujours un ou deux ans de retard en général dans les tuyaux, mais. Oui, le site de lancement d'Ariane 6 à Kourou, la construction, j'avais eu la chance de le voir il y a quelques années. C'était l'année dernière, non? On avait fait une vidéo sur le site de Sciences et Avenir. C'était pharaonique, c'est absolument extraordinaire à voir. On va vous le mettre sur le fil Twitter de l'émission. Peut-être un mot aussi sur ces implants dans la moelle épinière, Tania, sur le fait que, alors ce sont encore, on l'a entendu, ce sont des moelles endommagées, pas sectionnées, finalement ça marche sans qu'on soit tout à fait sûr de comprendre toutes les mécaniques qui sont à l'œuvre, toutes les mécaniques neurologiques. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans le sens où ça permet aux gens de marcher, mais les chercheurs expliquaient que les gens n'ont pas de sensation dans leurs jambes, et que du coup ils sont obligés de regarder leurs jambes avec un système de miroir, etc., pour voir ce qu'ils font, voir s'ils n'ont pas la sensation. Donc ça veut dire que ça rétablit certains influx nerveux, mais pas tous. Donc la question du fonctionnement est vraiment hyper intéressante, mais hyper complexe à mon avis. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Il y a les travaux à Grenoble du professeur Benabid, qui sont plutôt basés sur l'utilisation d'implants dans le cerveau. Il y a l'option des exosquelettes. Il se passe quand même beaucoup de choses au niveau de la recherche sur cette thématique de la paraplégie. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, une source d'espoir et de motivation. Là, oui, on est au début, on en a parlé beaucoup. Il y a des implants, effectivement, dans la moelle épinière, il y a des implants dans le cerveau. Enfin, on commence à réussir à rétablir de la plasticité neuronale autour de ces implants. Un dernier mot, alors là, c'est difficile d'en parler. On a voulu en parler dans le Journal des Sciences parce que ça nous a quand même un peu alerté sur cette histoire de malformation en zone rurale. Alors, évidemment, quand on entend ça, on a envie de faire des corrélations rapides, dire les intrants, donc malformation, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Il faut évidemment mener des enquêtes pour vérifier, mais c'est vrai, Cécile, on se disait 3 foyers séparés, différents, en zone rurale, avec une incidence beaucoup plus élevée de ces naissances malformées, c'est assez préoccupant tout de même. Oui, bah ça veut dire qu'il faut vraiment faire une enquête voilà, pour voir effectivement entre ces trois lieux, quels sont les facteurs communs qui pourraient expliquer ça. Alors effectivement, on pense tout de suite aux intrants chimiques, mais peut-être qu'on aura une surprise et que ça ne sera pas ça. Hein. Corrélation n'est pas causalité, comme dit la chercheuse, et c'est vrai, hein, faut se garder d'aller trop près, mais il faut regarder. Tania ? Mais pour le coup, le fait qu'il y ait trois sites, même si c'est malheureux, va beaucoup aider à trouver l'origine, parce que si on n'avait eu qu'un seul, ça aurait été compliqué. Là, pour chercher les points communs, ce sera quand même plus efficace. Non, mais effectivement, hein, comme le disent Tania et Cécile, c'est un sujet suffisamment douloureux et difficile pour ne pas tirer de conclusions trop rapides. Il faudra qu'une enquête dise quelles peuvent être les explications de ces drames, quoi. Et on vous parlait il y a quelques secondes de poulpe sous MDMA, on va passer au crocodile maintenant. Alors pas sous MDMA, parce que je pense que crocodile sous MDMA, ça peut être beaucoup moins rigolo que les poulpes sous MDMA. Je connais par ailleurs une très bonne blague de dresseur de crocodile que je ne vous raconterai pas ici. C'est peut-être hors micro tout à l'heure. Bref, non, si on parle de crocodile un peu plus sérieusement, c'est parce que on a quantifié pour la première fois la puissance de leur mâchoire. Mais Cécile, en fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir quelle est la pression qu'il peut y avoir dans une mâchoire de crocodile? C'est de la recherche absolument fondamentale. Donc voilà, donc ça n'a pas d'application aujourd'hui, peut-être on n'en aura jamais, mais c'est quand même fort intéressant. Voilà, effectivement, dans le dernier numéro de Pour la Science, on publie les aventures d'un chercheur américain de l'Université de Floride, Gregory Erickson, qui s'est intéressé à ce sujet depuis presque 20 ans maintenant. Et en fait, au départ, voilà, pourquoi s'est-il intéressé à ce sujet un peu étrange, voilà, c'est venu du fait qu'un producteur de films de National Geographic lui a demandé s'il était capable d'évaluer quelle était justement la force de morsure de Sarcosuchus, qui est une sorte de crocodile géant de 12 mètres qui existait au Crétacé. Voilà. Et à ce moment-là, Gregory Erickson s'est dit « Oui, je peux probablement le calculer, mais pour le calculer, il faut que je puisse étalonner sur des crocodiliens vivants. » Voilà, parce qu'il s'intéresse aux crocodiliens. Mmh. Donc le crocodilien, puisque... aux blagues. Allez-y. Je redoute parce que la blague que je connais sur le dresseur de crocodile ne peut pas être racontée à l'antenne à des heures de grande écoute. Non. Celle-là, c'est vraiment une blague carambar, excusez-moi. D'accord, mais peut-être vous vous en souvenez. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? Il n'y en a quasiment pas. Voilà, exactement. J'allais la faire, je l'avais noté sur ma petite feuille. Non, alors quelle est la différence? Parce qu'il y a ce sont tous des crocodiliens. Il y a les crocodiles, gavial, le gavial, les alligators et les caïmans. Voilà, ce sont le groupe, l'ordre des crocodiliens. Alors quelle est la différence justement entre les quatre? Ils vivent pas tous au même endroit, ils ont pas tous la même forme de museau, ils ont pas tous la même taille, voilà. Aujourd'hui, les crocodiliens, ça va de 1 mètre à 7 mètres, mais dans l'histoire, c'est un ordre qui remonte à il y a moins 85 millions d'années et qui a tout à fait, c'est un vrai succès évolutif parce que quand on regarde effectivement les fossiles, ils n'ont pas tellement changé. En tout cas, la forme de leur corps a quasiment pas changé. Ce qui change, c'est leur taille, un peu aussi les museaux et les dents. Et on va voir pourquoi, justement. Et alors, justement, revenons à nos mâchoires. Moi, je suis curieux de savoir comment on arrive à mesurer la pression de la mâchoire d'un crocodile sans se retrouver avec un membre en moins. Eh bien, c'est pas facile. Je vais vous dire, à côté Indiana Jones, c'est la gnognotte. Je vous conseille vraiment de lire les détails de cet article parce que c'est haut en couleur. Oui. Voilà. D'abord, eh bien, il fallait un appareil pour mesurer parce que, en fait, curieusement, ça n'existait pas des appareils à mesurer la force de morsure des crocodiliens. Et donc, Gregory Erickson a travaillé avec des ingénieurs pour fabriquer un appareil qui, ça ressemble un petit peu à un petit pèse-personne, voilà, qu'on coince dans la mâchoire des crocodiles et c'est au bout d'une grande perche et c'est relié à tout un appareillage électronique, voilà. Et c'est comme ça qu'on peut les mesurer parce que jusqu'à présent, ils n'avaient fait ça que sur des petits lézards, donc on changeait d'échelle, il fallait faire quelque chose. On met du cuir aussi pour qu'ils retrouvent le mordant. Exactement, parce que les crocodiliens ne sont pas bêtes, voilà, et ils n'ont pas l'habitude de mordre à pleine force les cailloux, donc il faut leur donner l'impression que c'est une proie vivante, donc c'est pour ça qu'on entoure l'appareil de cuir pour donner l'impression qu'ils ont bien attrapé une proie. Et alors du coup, une fois qu'on a cette machine, on va prendre quel crocodile? On va les prendre dans le bayou en Floride, on va attraper alors, ils l'ont fait, mais au départ, ils se sont intéressés à des à des crocodiliens d'un parc en Floride, voilà, parce que qui d'ailleurs regroupait à peu près tous les crocodiliens, enfin toutes les espèces de crocodiliens. Voilà, parce qu'en Floride, donc c'était pratique. C'est les alligators, hein. Ouais, voilà. Non, je crois. Mais là, comme ça, c'est un parc à crocodiles, ils y sont tous, donc c'était plus facile. Et puis au départ, c'était effectivement plus facile, mais après, ils l'ont fait dans la nature. Alors comment on fait? Eh ben, justement, il faut d'abord avoir l'appareil, puis après mettre en place une sorte de protocole pour aller mesurer cette force de morsure chez les crocodiles sans trop stresser les animaux. Alors je vous raconte comment ils font. Ils les attrapent au lasso, ils les sortent de l'enclos, voilà, et puis ils laissent la gueule s'ouvrir, ils placent l'appareil entre les dents postérieures, voilà. Et pendant ce temps-là, un monsieur, en général un monsieur, je crois, assez courageux, se met sur le dos du crocodile pour l'empêcher de se retourner sur lui-même, parce que sinon vous biaisez la mesure. Mmh. Alors je ne sais pas si les crocodiles sont pas trop stressés à part ça, mais je pense que les chercheurs, en tout cas, visiblement le sont. Très largement. Oui, ça on peut comprendre. Et alors quand ressort-il de ces mesures, quelles sont les conclusions? Ah non, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Allez-y, pardon. Voilà. Alors juste avant. Mmh. Donc il faut faire ça. Mmh. Ils en profitent aussi pour mesurer leur taille et les peser, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est de pouvoir corréler justement la force de morsure à la taille, à la masse corporelle de l'animal. Voilà, parce que, et d'ailleurs ils ont fait des découvertes sur ce sujet-là. Mais aussi, ce qu'ils ont besoin d'évaluer, c'est la pression dentaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la force de morsure. La force de morsure, on la mesure en newton. Là, on va parler en kilos parce que c'est plus parlant. Voilà. Et la pression dentaire, c'est en kilos par centimètre carré. Et donc, pour le faire, il faut avoir la force de morsure. Et puis, il faut avoir aussi l'empreinte des dents. Donc, ils ont aussi pris l'empreinte des dents, comme un dentiste prend l'empreinte de vos dents. Voilà. Mmh. Chez les crocodiles. Alors, bloquant la mâchoire avec une planche et en faisant, avec du mastic, des empreintes dentaires. Alors, donc, on a la machine, on a l'empreinte dentaire, on a le crocodile, évidemment, qui meurt. Voilà. Et quelles sont les mesures et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Voilà, donc les résultats, c'est que la force de morsure des crocodiles aujourd'hui, c'est le plus forte qu'ils ont mesuré, c'est 1700 kilos. Pour comparer, un homme, c'est 90 kilos. Voilà. Mmh. Un lion, 450. Une hyène, 630. Donc, vous voyez, on est vraiment, c'est la plus forte force de morsure du animal vivant qu'on ait jamais mesuré aujourd'hui. Mmh. Voilà. Et si on parle en termes de pression dentaire, justement, chez tous les crocodiliens, ça va de 1400 à 25 100 kilos centimètres carrés, à comparer aux 58 kilos centimètres carrés d'un homme. Oui. Ce qui est beaucoup. Et alors, du c'est coup, énorme. La question, c'est pourquoi est-ce que cet animal qui a quasiment pas évolué depuis 100 millions d'années, qui est donc effectivement un succès évolutif très très net, pourquoi avoir besoin d'une pression dentaire à ce point-là puissante? Eh bien, pour chasser. D'ailleurs, en fait, les avant que ces mesures ne soient apprises, les chercheurs pensaient qu'elles étaient assez différentes en fonction du museau de l'animal. Parce que selon les espèces, le museau est plus ou moins long, plus ou moins large, les dents sont plus ou moins fines. Les gavielles ont des dents très fines. Voilà, le crocodile a un museau plus long, les caïmans un museau plus court et les alligators plus carrés aussi. Et en fait, non. Toutes les mesures qu'ils ont prises montrent que c'est absolument corrélé. La force de morsure est corrélée à leur masse corporelle. Point bas, excepté le gavial, voilà, qui est lui quasiment uniquement piscivore, il ne mange que des poissons. Et donc voilà, et lui, il a favorisé un système de fermeture plus rapide plutôt que la force même. Mmh. Donc ça, c'est déjà intéressant en soi. Et d'où vient cette force? Voilà, visiblement des muscles de leur cou, des muscles particuliers, les muscles ptérygoïdes, j'espère que je prononce bien, médian, voilà. Et c'est ces muscles-là qu'ils ont terriblement développés, voilà, pour avoir cette force de morsure-là. Alors que vous, Nicolas, si vous, vous mordez un steak de crocodile un peu dur, voilà. C'est les muscles temporaux qu'on va voir se développer et pas chez le crocodile. Et pourquoi? Probablement, c'est lié à leur façon de chasser. Vous savez, ils se mettent sous l'eau, ils laissent juste les yeux dépasser un tout petit peu le haut du crâne et rien d'autre. Et donc, si leurs muscles temporaux étaient plus visibles, ce serait des moins bons chasseurs. Et puis surtout, il y a aussi la durée de la pression qui est intéressante dans cette étude. C'est-à-dire que non seulement ils mordent très puissamment, mais en plus, ils peuvent maintenir cette pression très longtemps. Oui, alors là, ils se sont aperçus parce que les crocodiles ne voulaient pas rendre les capteurs. Et donc ça pouvait durer des minutes avant qu'ils puissent récupérer les capteurs. Voilà. Donc du coup, ils se sont intéressés à la question et ils ont mesuré effectivement pendant tout ce temps-là, quelle était la force du crocodile. Est-ce que il mettait toujours la même force? Et oui, enfin à 10% près, voilà, il peut tenir très très longtemps, ce qui est lié aussi à la qualité de ses muscles. Et là aussi, c'est lié à ses techniques de chasse, parce que la plupart du temps, vous savez, ils attrapent les animaux et après, ils les entraînent sous l'eau pour les noyer. Et voilà, donc il faut tenir longtemps. C'est un animal charmant. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un parallèle qui est fait dans cet article entre justement la structure et les différents muscles des crocodiliens et ceux des dindes. Oui, ça, c'est mon avis, c'est parce que le chercheur est américain, donc c'est évidemment l'exemple auquel il va penser, c'est la dinde. Mais oui, c'est-à-dire qu'il explique effectivement les fameux muscles du cou des crocodiles qui leur permet de maintenir cette force-là. C'est un mélange de muscles blancs, comme le blanc des poulets, mais qui sont capables de donner un effort important, mais sur une courte durée. Pour voler, voilà, et de muscles rouges, voilà, qui eux sont capables de faire un effort constant, mais plus faible. Voilà. Et ce qui permet par ailleurs, tout de même, vous disiez que c'était la recherche fondamentale, etc., mais qui permet tout de même une petite application, une petite projection, certainement pour faire plaisir au grand public, c'est d'extrapoler jusqu'à la puissance de la mâchoire du tyrannosaure. Oui, parce que les crocodiliens font partie du groupe des archosaures, où il y a les crocodiliens, les oiseaux et toute la parenthèse éteinte, dont les dinosaures. Donc, on peut se dire que on pourrait, avec ça, évaluer la force de morsure des dinosaures. Eh bien, je vous le donne en mille. C'est 3600 kilos, la force de morsure, ce qui correspond à la pression dentaire de 30 000 kilos, 30 tonnes au centimètre carré. Donc, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir Trix au muséum. On en a déjà parlé ici. Et quand vous allez voir ses dents, eh bien, vous ne serez pas étonné. Scouted out when close alongside the ocean, I saw something move which at first I thought was all the world in motion. But steering up close alongside, I found 'twas a crocodile, and from his nose to the tip of his tail, he measured 500 mile. To my rit-fa-lully-bowl-em-tit, to my rit-fa-lully-dee, to my rit-fa-lully-bowl-em-tit, to my rit-fa-lully-dee. Was a crocodile I plainly could see. He was not of a common race, for I was obliged to climb a high tree before I could see his face. And when he lifted up his jaw, though perhaps you may think 'tis a lie, he reached above the clouds for miles three score and almost touched the sky. To my rit-fa-lully-bowl-em-tit, to my rit-fa-lully-dee, to my rit-fa-lully-bowl-em-tit, to my rit-fa-lully-dee. While up aloft the wind was high, it blew a gale from the south. I lost my hold and away did fly right into the crocodile's mouth. He quickly closed his jaws on me and thought he got a victim, but I ran down his throat to see. And that's the way I tricked him. To my rit-fa-lully-bowl-em-tit, to my rit-fa-lully-dee, to my rit-fa-lully-bowl-em-tit, to my rit-fa-lully-dee. I traveled on for a month or two till I got into his maw, where I found of rum cakes not a few and 1,000 fat bullocks in store. Of life I banished all my care, for of food I was not stinted, and in this crocodile I lived 10 years, and very well contented. To my rit-fa-lully-bowl-em-tit, to my rit-fa-lully-dee, to my rit-fa-lully-bowl-em-tit, to my rit-fa-lully-dee. De Crocodile de Benjamin Britten, c'était évidemment de circonstance puisque nous venons de parler de la mâchoire des crocodiles dans ce vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Nous allons aborder notre deuxième dossier du jour avec un petit avertissement à nos auditeurs les plus hypochondriaques à qui on va souhaiter de proposer de s'éloigner du poste, de revenir dans une dizaine de minutes, de faire un petit tour, prendre l'air, etc. Et ensuite on parlera de démantèlement des sous-marins nucléaires, mais là nous allons parler du cancer, mais des cancers contagieux. notamment suite à une publication dans l'American Journal of Transplantation, c'était au début de cette année, qui atteste que 4 patients qui ont reçu une greffe de la même donneuse ont tous développé un cancer, Tania. Oui, effectivement. Donc, c'était une donneuse qui est décédée à 53 ans d'une hémorragie cérébrale. Et à chaque fois qu'il y a des transplantations d'organes prévues, les médecins ne font pas n'importe quoi. Ils vérifient s'il y a des traces de cancer, de cellules tumorales, de métastases. Et en l'occurrence, chez cette patiente-là, ils n'avaient rien vu. Donc, plusieurs de ces organes ont été greffés, les reins, les poumons, le foie, le cœur. Et sur les 4 donneurs, il y en a 3 qui sont décédés de cancer du sein, sachant qu'aucun des organes greffés n'avait quoi que ce soit à voir. Hein, donc c'est que le cancer avait clairement métastasé au départ. Et les diagnostics ont été étalés entre 16 mois et 6 ans après la greffe, ce qui est une durée assez étonnamment longue, compte tenu du fait que le cancer était déjà manifestement avancé. Qu'est-ce qui s'est passé, oui, du coup? Comment est-ce que ça a pu échapper, surtout au moment de l'autopsie de la donneuse, en fait? Alors, l'hypothèse qui est faite par les chercheurs qui ont rapporté ce cas clinique, c'est simplement que les cellules étaient très très peu nombreuses et que quand on cherche à dépister quelque chose qui est à l'échelle cellulaire, bah, si on a trop peu, on peut passer à côté. Donc, ceci dit, ne paranoyons pas, hein, un petit vous peu. Pouvez revenir. Vous pouvez rebrancher votre radio. C'est pas le premier cas qu'on trouve dans la littérature de transmission de cancer au cours d'une greffe d'organes, mais ça reste extrêmement rare. Ça concerne, on va dire, un cas tous les 2000, voire tous les 10 000, sachant qu'en France, on est à peu près à 6 000 greffes d'organes par an. Et qu'en général, quand on greffe un organe à quelqu'un, il a des problèmes plus graves à court terme que de potentiellement développer un cancer traitable dans 6 ans. C'est voilà. Ça, parce qu'il faut, peut-être préciser 2-3 choses autour de la greffe. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend une greffe, on prend à vie des médicaments qui sont immunosuppresseurs. Effectivement, c'est une des raisons qui explique qu'il puisse y avoir ce genre de choses. Parce que normalement, quand vous récupérez les cellules de quelqu'un d'autre, votre système immunitaire va se rendre compte que ce ne sont pas les vôtres et va œuvrer pour les détruire. Mais le principe d'une greffe, c'est justement qu'il faut tolérer les cellules d'une autre personne. Donc les patients sont sous traitement immunosuppresseur qui diminue l'efficacité du système immunitaire et explique que les cellules d'une autre personne, dont les cellules cancéreuses, puissent se développer dans l'organisme. Et on peut préciser que sur les 4 patients, il y en a effectivement un néanmoins qui a pu être sauvé et traité et qu'il a fallu en passer en revanche par le retrait du greffon. C'est ça. Alors en fait, il y a vraisemblablement 2 patients qui auraient pu en réchapper, à savoir les 2 patients qui avaient subi des greffes de reins, parce que les greffes de reins sont quand même moins lourdes que les greffes de poumons ou les greffes de foie. Il y a une des patientes qui n'a pas souhaité qu'on enlève le greffon et qu'on lui refasse une greffe parce que ça avait déjà été assez compliqué la première fois et que c'est son choix. Le deuxième patient transplanté du rein a accepté qu'on lui enlève le greffon. Il a été traité. Donc le cancer avait été dépisté chez lui en 2011. Chez elle, en l'occurrence, parce que c'était toutes des femmes. C'est vrai. Ouais. Chez elle en 2011 et un an plus tard, après ablation du greffon et traitement, le cancer était en rémission. Et cette personne va toujours bien aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est pas un peu exagéré de parler de cancer contagieux, parce qu'on est quand même dans des circonstances extrêmement particulières, d'une donneuse qui avait été mal diagnostiquée. C'est très très particulier. Le cancer, a priori, on va là aussi rassurer tout le monde, ça n'est pas contagieux, chez l'homme, il n'y a pas de cas répertorié en dehors de ces situations hyper exceptionnelles de cancer transmissible. Je fais une petite parenthèse parce que ce serait très dommage que je vienne ici sans parler de virus pour une fois. Mais il y a quand même entre 15 et 20% des cancers humains qui sont dus à des virus qui eux-mêmes sont contagieux. Donc le papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus, certains herpès, hépatite B, hépatite C qui induisent des cancers mais qui ne sont pas des cellules cancéreuses contagieuses. En revanche, dans le règne animal, il y a plusieurs exemples de cancers transmissibles qui sont beaucoup étudiés. Alors, le plus fameux, je pense, c'est celui des diables de Tasmanie, dont on a pas mal entendu parler dans les médias récemment. Donc, c'est un cancer qui a été détecté pour la première fois en 1996. Donc, on commence à avoir un peu de recul sur l'étude de la maladie. Et c'est un cancer qui est transmissible par morsure et qui provoque des tumeurs faciales qui sont fatales dans 100% des cas. Et ce qui a particulièrement attiré l'attention sur ce cancer, c'est qu'en 20 ans, 80% des diables de Tasmanie ont été éliminés par cette maladie, alors que c'est une espèce qui est endémique, qui ne vit que sur une île. Donc la population, oui, en l'occurrence. En l'occurrence. Donc, et petit, là, ce petit conseil aux auditeurs, ne tapez surtout jamais dans Google Images diable de Tasmanie et tumeur, c'est insoutenable. Non, mais vraiment, c'est. Ça, c'est, non, c'est, pas regarder les vraiment, images, elles sont horribles. Pas, on ne va pas en mettre sur Twitter, c'est vraiment, moi, ça m'a brisé le cœur tout à l'heure. Oui, c'est vraiment horrible. Mmh. En plus, c'est des tumeurs du visage, donc c'est vraiment assez frappant en termes morphologiques. Est-ce qu'on a une idée, justement, alors, du coup, des raisons qui rendent ce cancer-là transmissible par morsure? Parce que les diables de Tasmanie, il faut dire, ils se mordent, c'est un rapport social qu'ils ont. C'est un rapport social et ils se battent beaucoup et ils se mordent en général au niveau du visage, donc ça passe de la salive directement sur le visage. C'est des cancers qui correspondent à des cellules qu'on appelle les cellules de Schwann, qui sont un type de cellules neurologiques et qui du coup vont se fixer sur les nerfs de la face directement et se développent là, d'où le fait que les tumeurs restent faciales. Et effectivement, ça a beaucoup intrigué les chercheurs, ces cellules exogènes, donc d'un autre animal, qui peuvent se développer chez d'autres populations sans susciter de réponse immunitaire. Et en fait, ils ont constaté que dans ce cancer des diables de Tasmanie, une cellule qu'on appelle normalement le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, donc qui est une protéine à la surface des cellules qui présente les antigènes, donc qui présente les morceaux de cellules qui sont reconnus par le système immunitaire, bah cette protéine présentatrice est absente des cellules tumorales. Donc c'est comme si elle venait avec une cape d'invisibilité dans l'organisme et la réponse immunitaire ne peut pas se mettre en place. Donc ça, c'est ce qui se passe pour les diables de Tasmanie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième cancer transmissible qui a été identifié en 2014 chez cette espèce, qui décidément a une survie assez compromise, mais qui est beaucoup moins virulent que le premier. Du coup, les chercheurs l'étudient pour essayer de comprendre l'histoire évolutive de cette maladie. Donc voilà, ça c'est un des cancers transmissibles chez les animaux, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Voilà, allons-y. Il y en a un autre qui est beaucoup plus ancien, qui est la tumeur vénérienne transmissible des chiens, donc des canidés en l'occurrence, mais c'est essentiellement observé chez les chiens. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le génome a été séquencé et que l'apparition de cette tumeur est datée à il y a à peu près 11 000 ans. Donc le chien initial est clairement décédé depuis très longtemps, mais ses cellules vivent toujours et se multiplient toujours dans les populations canidées actuelles, ce que je trouve assez stupéfiant sur le plan conceptuel. Et donc ça, c'est quelque chose qui se transmet chez les chiens. On ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de réaction immunitaire. Ce que les chercheurs ont constaté, c'est que les tumeurs sont extrêmement mutées. Il y a des anomalies chromosomiques dans tous les sens. Donc, depuis 11 000 ans, on imagine qu'effectivement, le patrimoine génétique a dû se changer un peu en passant d'espèce en espèce, etc. En fait, ce que les chercheurs supposent, parce qu'effectivement, quand on reconstruit une histoire, a posteriori, on est obligé de faire des hypothèses, c'est que c'est un cancer qui est très vieux, mais qui était dans une population assez restreinte de canidés à la base et qui s'est répandu sur tout le globe assez récemment. Il y a 500 ans, quelque chose comme ça, parce que l'humain est un peu intervenu dans l'histoire évolutive des canidés et ça a vraisemblablement joué dans la transmission. On va vous renvoyer vers l'émission que nous avions consacrée justement à la domestication pour vous rappeler que votre chien, votre petit Yorkshire, est a priori de la même espèce que le loup qui vit dans les Alpes. C'est la même bête, mais bon, elle a évolué un tout petit peu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, d'ailleurs, une question. Est-ce que justement la nature endogène des diables de Tasmanie, le fait qu'à un moment donné, on soit sur des petits groupes de population, donc avec de facto une forme de consanguinité ou d'isolation géographique et génétique peut avoir un rôle? Ça fait partie des hypothèses étudiées par les chercheurs parce qu'en effet, moins il y a de diversité génétique dans une population, plus il y a de chances que les cellules d'un individu soient tolérées par un autre individu. C'est vraisemblablement une des hypothèses qui explique l'apparition du deuxième cancer plus récent, qui lui n'a pas encore de cape d'invisibilité pour passer inaperçu vis-à-vis du système immunitaire. Et puis, il y a aussi un autre exemple chez des bivalves. Oui, que j'aime beaucoup, qui est intéressant parce que là, on n'a pas un, deux ou trois, on a cinq cancers transmissibles répertoriés à ce jour. Chez les bivalves, donc les bivalves, ce sont des mollusques de type palourdes, moules, les coques. Ouais, on a au moins 6 cancers répertoriés qui sont des équivalents de leucémie. Alors j'y dis équivalent parce que les cellules sanguines chez les bivalves ne sont pas vraiment les mêmes que les nôtres. Mais donc c'est des cellules circulatoires du sang qui sont touchées. Ces cancers-là sont connus depuis 2015. On ne sait pas exactement comment ils se transmettent. L'hypothèse est que les cellules sont simplement relâchées dans l'eau et vont contaminer les mollusques d'à côté. C'est possible qu'il y ait un autre intermédiaire, mais il n'a pas été identifié. Et le plus fascinant, c'est que dans ces cas-là, il y a un des cancers transmissibles qui est un cancer interespèce. C'est-à-dire que non seulement les cellules cancéreuses ne sont pas les cellules de l'individu concerné, mais elles ne sont même pas des cellules de l'espèce de l'individu concerné. Bon, c'est deux espèces très proches, c'est deux espèces de palourdes, mais il n'empêche qu'on ait une transmission de cancer interespèce. Et donc, pour l'homme, ça veut dire qu'on peut être quand même relativement rassuré, Tania. Il n'y a pas de cancer transmissible, ça n'est pas une maladie qui se transmet, le cancer. Pour l'instant, non. Et voilà. Non, il n'y a pas, en dehors des cas hyper particuliers, des patients sous immunosuppresseurs, etc., il n'y a pas de transmission directe du cancer chez l'homme. Mais on a trouvé tout de même chez dans des équipes médicales de chercheurs qui travaillent sur les cellules cancéreuses des cas. Oui, ça arrive. Mais alors, bon, pour avoir fait ma thèse sur le VIH, on sait que quand on travaille sur des agents biologiques dangereux, il y a toujours des mesures de sécurité, etc. Mais ça peut arriver de faire un accident, de se piquer avec une aiguille qui était en contact avec de l'agent infectieux, etc. Les derniers cas de variole, hein, vous en parliez hier, c'est aussi des cas dus à des accidents en laboratoire. On est quand même dans un contexte hyper spécifique et il n'y a pas de quoi s'inquiéter dans la population générale, tout va bien. Voilà, vous pouvez être rassuré, le cancer n'est pas transmissible. En revanche, la variole, bon, il faut réécouter l'émission d'hier. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45 dans la méthode scientifique, le dernier dossier de ce tour de table consacré à l'actualité scientifique, c'est avec Olivier Lasker. On part à Cherbourg, Olivier, avec vous, où le démantèlement des premiers sous-marins nucléaires français a commencé le 12 septembre dernier. Et ça fait un bout de temps que ces gros bestiaux-là ne naviguent plus, mais la mise en route du désossage a pris du temps, en l'occurrence. Alors on parle là d'une série très restreinte de bâtiments, qu'on appelle les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors, engin, c'est un mot très délicat. C'est un euphémisme, pour dire bombe nucléaire. C'est E pour euphémisme, puisque ce sont des bombes nucléaires. Donc, les SNLE, c'est vraiment ce qui est à l'avant-garde de la dissuasion française. Donc, on a, il y a à l'heure actuelle dans le globe, des sous-marins nucléaires français qui furettent de ci, de là. On ne sait pas où, seule la France sait où ils se trouvent, et ça fait partie de la dissuasion française. Là, on parle d'une série de bâtiments qui ont été lancés en 67 et qui sont hors service depuis les années 90. Et ces bateaux, ces bâtiments, ces sous-marins sont effectivement démantelés depuis le moment où on a arrêté de les utiliser. Démanteler, ça veut dire quoi? C'est la première étape, c'est qu'on a supprimé, on a neutralisé leur chaufferie nucléaire, c'est-à-dire le réacteur à fission nucléaire qui, en leur sein, fabrique l'énergie qui permet tout simplement à l'hélice de tourner. Un réacteur nucléaire, c'est très pratique pour un sous-marin parce que, tout simplement, ça permet de rester immergé des périodes de temps très très importantes. Ces sous-marins-là sont faits pour rester 70 jours sous l'eau sans remonter. Ils pourraient rester beaucoup plus longtemps. Avec les anciens modèles au diesel, il faut toutes les heures... Il faut aller faire le plein. Il faut faire le plein, tout simplement. Les moteurs nucléaires sont aussi plus difficilement détectables. Il y a moins d'ondes, il y a moins de secousses, donc pour l'ennemi, on furette plus facilement. Mais effectivement, au moment de la fin de carrière de ces bâtiments, ça pose des problèmes. Donc c'est le démantèlement. Le démantèlement, ça consiste en quoi? Eh ben, notre sous-marin, ça ressemble à un gros, une grosse courgette, et on va couper aux deux tiers de la bête, on coupe une grosse tranche, qui là, en l'espèce, fait 8 mètres de long sur... 10 mètres de diamètre, et c'est la zone de la chaufferie nucléaire. Et ensuite, on raboute les deux autres morceaux, c'est-à-dire que ma courgette qui faisait 120 mètres de long, elle en fait 8 de moins. On ressoute tout. C'est 10 mètres la machinerie nucléaire seulement? Oui, déjà beaucoup. Ça paraît assez peu, et puis c'est assez vertigineux de penser que ça turbine pendant qu'on est tous ces braves gens qui vivent au milieu de ça. Mais bon, il y a des parois y a des de protection qui font qu'il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de scandale de cancer qui aurait été induit dans des populations de marins, etc. Bon, bref. Pour le moment. En tout cas. Faites attention à ce que vous dites. Ensuite, les deux morceaux de mon sous-marin, elles sont reboutées. Il y a un travail de plomberie admirable qui est fait pour ressouder tout ça, de sorte à ce que le bâtiment est étanche. Et c'est ce bâtiment étanche qui est arrivé à Cherbourg début septembre. Alors, ils ont convoqué, la presse a été convoquée pour voir cet événement qui était organisé par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, pour donner finalement le sous-marin à Naval Group qui va s'occuper de le désosser. Ça a été fait en grande pompe parce que c'est donc une première mondiale. Et donc, ce bâtiment qui arrive, alors là, c'est une bûche, mon sous-marin, puisqu'il n'a plus de moteur. Il est tracté par un bateau. Il y a un agent de la Marine nationale qui est en haut de cette tourelle, qui en fait s'appelle pas une tourelle, c'est le kiosque, hein, c'est cette partie, la partie supérieure du sous-marin. Il est là, il regarde si on arrive bien dans la cale qui est en eau. Mais une fois que le bateau, que le sous-marin est dans la cale, il y a une sorte de système d'écluse qui se met en œuvre, en marche. On vide l'eau et là, le sous-marin se retrouve sur des étés et il est positionné et il attend ce qu'on appelle en fait la déconstruction. Là, c'est la phase de déconstruction. Et c'est cette phase-là qui rentre maintenant en jeu pour ce bateau, pour ce sous-marin-là qui s'appelle le Tonnant. Puisque c'est le premier. Il y en a quatre qui vont se faire désosser. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a un de cette classe de 67 qui va rester dans son intégrité. Enfin, mis à part la chaufferie qui a été retirée. Mais ce bâtiment-là, il est visible à la Cité de la Mer à Cherbourg. Oui, ça peut donner, si vous êtes dans le coin, ça peut donner une idée de... Enfin, claustrophobe, on a déjà invité certains auditeurs à s'éloigner du poste. Là, c'est les claustrophobes, il ne faut pas qu'ils y aillent. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit fait chez nous, en France? C'est pour des raisons, j'imagine, de sécurité, de secret défense, d'armement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas finalement donner, comme on fait avec les gros navires, les paquebots, ça, à désosser ailleurs, dans d'autres pays? On a beaucoup vu ça pour d'autres types de gros bâtiments navals. Alors, s'agissant de bâtiments qui relèvent de la sécurité nationale, on comprend que la France veut continuer à avoir la main sur toutes les étapes du démembrement de ses sous-marins. Il faut aussi oublier le mauvais souvenir du porte-avions le Clémenceau, dont la fin de carrière au début des années 2000 avait été assez catastrophique, puisqu'il avait caboté d'un port à l'autre et d'un pays à l'autre dans ses opérations de traitement. Hein. La France et l'armée veut montrer aussi qu'il y a un souci développement durable, quoi, hein, puisque 80% des pièces qui composent 87 même, je crois, 87 vont être retraitées et réinjectées dans l'industrie. Il faut dire qu'en 67, quand ces bateaux ont été construits, on était à des années-lumière de considérations sur l'écologie, etc. Et ces bateaux, ces sous-marins, décidément, je tiens à les appeler des bateaux, regorgent par exemple d'amiante. Alors il y a plein d'amiante, il y a de l'amiante dans la peinture, il y a de l'amiante dans la tuyauterie. Donc il faut aussi mener ces opérations de désamiantage. Qui sont, on le sait, très compliquées à mettre en œuvre. C'est compliqué, on ne peut pas y aller directement sur le sous-marin. Il faut d'abord justement le découper en morceaux. Il faut le découper littéralement en plaques, des plaques de 1 mètre de long. Et c'est extrêmement difficile parce que, comme on l'imagine, le métal qu'on a choisi pour faire des sous-marins, il est très résistant. Il est extraordinairement résistant. Donc c'est un acier à très haute élasticité. On peut pas y aller avec des machines coupantes, avec des cisailles, etc. Il faut y aller au chalumeau. Et une fois qu'on aura tout dépiauté en petits morceaux, en petits carrés, enfin en gros carrés, là on ira avec la fonderie. Il y aura une étape de projection de matière abrasive qui va supprimer toute l'amiante. Ça oui, pour l'amiante. Et ensuite ça part à la fonderie, c'est refondu et c'est réutilisé pour d'autres bâtiments. Combien de temps ça prend? Comment on procède en fait? On commence par quoi? Par l'avant, par l'arrière, par le haut, par le bas? Alors c'est tout simultané, mon général, puisque ça implique une petite centaine de personnes. Donc c'est un chantier colossal qui va durer 18 mois. Une fois que le bateau sera complètement disparu, il y a 2 mois pour remettre à niveau la cale, hein, donc ça donne un peu l'idée du bazar qui doit rester après coup. Ces opérations-là, qui sont médiatisées là en l'espèce, ne doivent pas faire oublier que on a donc précédemment supprimé la fameuse chaufferie nucléaire. Et cette chaufferie nucléaire, aujourd'hui, elle est stockée à Cherbourg, et grosso modo, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, puisque elle est destinée à être à terme stockée dans un site comme le fameux CIGEO, c'est-à-dire un site d'enfouissement à Bure, en profondeur, à Bure. Mais on sait que CIGEO est un projet qui est extrêmement, qui fait partie de ces très très contesté. Très contesté, qui est extrêmement avancé. Hein, CIGEO, moi j'y suis allé en voyage de presse, ça se visite. C'est un dédale à, je sais pas, une centaine de mètres de profondeur. C'est très impressionnant, mais on ne sait pas si ça rentrera en action. Hein. Mais c'est déjà l'ANDRA qui va gérer CIGEO, qui devra gérer ces lieux de stockage en grande profondeur. C'est déjà l'ANDRA qui aujourd'hui a la responsabilité des chaufferies, des bouts de chaufferies, des réacteurs nucléaires qui ont été retirés des sous-marins de cette classe du Ponant. De 67. Du Tonnant. Le Ponant, c'est un autre navire. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, la France maîtrise de bout en bout, parce que ça, ce sont les vieux sous-marins, mais ensuite, il va falloir pouvoir démanteler ceux actuels. C'est-à-dire que c'est un cycle qui est de construction, démantèlement qui est en train de se faire. Alors, le maîtrise-t-elle, on peut l'espérer, puisque c'est une première mondiale. Donc, le Tonnant va. C'est une première mondiale des États-Unis, c'est pour la France. Non, c'est une première pour la française, pardon, parce que les États-Unis démantèlent leurs propres sous-marins. Alors, il y a des aspects qui sont pas très clairs, parce qu'il y a très peu de pays qui ont des sous-marins nucléaires, lanceurs d'euphémisme. Ouais. Et il y a les États-Unis, il y a la Russie, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni, la France. Et pour certains pays, il a été dit que les sous-marins démantelés, c'est-à-dire auxquels on a retiré les réacteurs nucléaires, ils ont été purement et simplement coulés. Hein. Ça a été dit pour la Russie, par exemple. Les États-Unis, eux, avec ou sans équipage, non, pardon, c'est une mauvaise blague. Ouais, les États-Unis, en revanche, ont effectivement maîtrisent la déconstruction, puisque la DGA dit qu'une quarantaine de sous-marins américains ont été déjà démantibulés par leurs soins. Et on vient de vous mettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée au grand problème du démantèlement des centrales nucléaires, ce qui est aussi là un vaste problème politique, technologique et économique. Il nous reste quelques minutes, comme d'habitude, et bien pour finir cette émission, un petit tour de table. Est-ce qu'il y a des actualités, des choses que vous voudriez mentionner, que nous n'aurions pas parlé, Cécile ? Moi, j'attends le 15 octobre. Dites-moi tout, pourquoi ? Parce que le 15 octobre s'ouvrent les réservations pour assister en direct à la Cité des Sciences, à l'atterrissage d'InSight sur Mars, avec Francis Rocard et Philippe Lognonnet. Et voilà, je crois que c'est un événement à ne pas rater. Ils ont eu très peur, hein, parce qu'il y a eu une tempête sur Mars énorme. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année, donc... Mais pour l'instant, ça va. C'était le stress. Hein. Tania ? Oui, mais il y a une actualité aujourd'hui. Où que vous soyez en France, il y a des chances pour que quelque chose soit prévu pour la nuit des chercheurs ce soir, pas très loin de chez vous. Donc si vous voulez rencontrer en vrai des chercheurs, ces individus étranges et mystérieux qui en fait ne sont que des êtres humains comme les autres. Oui, ça dépend. Hein. On en a reçu quelques-uns à cette table, je peux vous assurer que parfois on doute. Mais c'est une bonne occasion et en général c'est gratuit un peu partout. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller regarder. On va vous mettre le programme de la nuit des chercheurs sur le fil Twitter @lamethodefc. Olivier. La semaine prochaine c'est la saison des Nobel qui commence. Oui, tout à fait, à partir de lundi. Donc on va tous voir si Emmanuel Charpentier l'aura cette année. S'il y a une femme qui est primée cette année. Surtout en physique, je rappelle, il n'y a eu que 2 prix Nobel de physique attribués à des femmes, et donc là, il faut faire quelque chose. Eh bien, j'en profite pour vous dire que puisque c'est la semaine des Nobel, justement, nous, lundi, on reçoit une femme qui a été prix Nobel de médecine, Françoise Barré-Sinoussi, donc qui fêtera les 10 ans de son Nobel. Elle sera notre invitée lundi. Et puis, j'en profite également pour vous dire que la semaine prochaine, c'est la fête de la science, que l'un des thèmes de la fête de la science, c'est les fake news et les fausses informations scientifiques, et ça tombe bien puisque nous organisons justement un forum France Culture samedi prochain. Ça se passe dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne, autour de la question de la désinformation et des manipulations de l'information, notamment scientifique. C'est toute une demi-journée. Il y aura évidemment votre serviteur, on fera une émission La méthode scientifique avec Étienne Klein, Bernadette Benso de Vincent et Gérald Brunner. Mais il y aura aussi Adèle Von Rett, il y aura aussi du grain à moudre et Olivia Gesbert. Voilà, c'est gratuit, c'est d'entrée libre, mais comme tous les forums, il faut vous inscrire sur le site maisondelaradio.fr. On vous en reparlera et là aussi on va vous mettre les informations sur notre fil Twitter. Merci beaucoup à tous les trois. Un petit mot de la une de Pour la science, Cécile. C'est la géométrie tropicale, un nouveau champ mathématique né d'une algèbre exotique, parce que c'est une des spécificités de Pour la science, pour un journal scientifique grand public, de consacrer beaucoup de ses pages aux mathématiques. Eh bien voilà, des mathématiques dans Pour la science, en une de Science et Avenir, Olivier. Alors le nouveau Science et Avenir fait sa couverture sur le neutrino, la plus mystérieuse des particules, mais on a aussi le hors-série qui vient de sortir, qui lui est consacré intégralement à l'intelligence des animaux domestiques. Voilà, et puis les neutrinos, j'en profite pour dire que nous faisons notre deuxième grande émission Science et Avenir, la méthode scientifique, sur les magazines, sur notre site internet, bref, une espèce de grand dossier, et où on aura là aussi un prix Nobel Arthur MacDonald, qui a eu le prix Nobel en 2015 pour les neutrinos. Sur les neutrinos, ce sera mardi dans la méthode scientifique à 16h. Tania. Alors, deux annonces très rapides. La première, c'est pour faire concurrence à votre plateau de samedi prochain, mais pour les Toulousains. Donc, le micro, non, allez-y. Pour les Toulousains, puisqu'on parle Nobel et sciences, je donnerai une conférence pour la fête de la science sur Rosaline Franklin à l'Heure et Café, qui est l'endroit où je travaille à Toulouse. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est gratuit. Et actualité vidéo, il y a bientôt une chaîne qui va se lancer pour proposer des expériences aux enseignants de primaire pour faire des sciences en classe. Affaire à suivre. Affaire à suivre, on en reparlera ici. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Demain, Étienne Klein reçoit Stanislas Dehaene dans la conversation scientifique à 16h, d'où on se retrouve lundi 16h, jusqu'à preuve du contraire.